La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Hamel, numéro de téléphone 418-679-4194. Bonjour, ici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Domaine du Roy. Le personnel et les dirigeants de la Caisse sont honorés de supporter nos athlètes locales Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Suivez leurs exploits ainsi que ceux de tous nos Canadiens du 9 au 25 février 2018. Cassandra et Marianne, deux grandes fiertés, des exemples de détermination pour notre collectivité et une preuve tangible qu'il est permis de rêver. Desjardins, partenaire incontournable de tous vos projets. Notre ami François-Olivier Roberge est en congé maternité, évidemment. Il vient d'avoir un autre petit poupon et il a travaillé fort pour nous trouver une frappeuse de relève et c'est avec grand plaisir qu'on accueille une ancienne athlète de l'équipe olympique canadienne qui a participé à plusieurs Coupes du Monde et également plusieurs championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste. C'est Caroline Truchon. Bon matin, Caroline. Bonjour. Caroline, pour les gens qui se rappellent, je me rappelle un peu de toi, là, mais tu veux-tu nous faire un petit gris? Tu as participé à plusieurs Coupes du Monde et tu as été une coéquipière de Marianne aussi. Là. Oui, exact, c'est ça. Moi, j'ai participé à 2 ans et demi de Coupe du Monde, dont la Coupe du Monde qui avait lieu à Saguenay en 2011. Et puis, j'ai participé à 2 championnats du monde en 2011 et en 2012. Et okay. J'ai pris ma retraite en juin 2015. OK, OK. Donc, les Olympiques, t'as malheureusement manqué ça un petit peu. Oui, malheureusement, on peut dire que j'ai pas atteint ce but ultime, mais je pense que j'ai quand même eu une belle carrière dont je peux être fière. Ben oui. Quand tu participes à des championnats du monde, c'est intéressant. Hey, Caroline, quelle déception pour Marianne Saint-Gelais. On était tout excités. On pensait vraiment que Marianne allait remporter au moins une médaille et une disqualification. Oui, c'est quand même assez sévère, je pense, sur le call de Marianne au départ. Écoutez, j'ai parlé avec 2 arbitres différents ce matin, puis les avis étaient partagés. Mais c'est pas quelque chose qui me surprend parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus cette saison et la saison passée. Sur des départs où que les patineurs sont trop agressifs et puis qui font tomber un autre patineur et qu'on reprend la course. Donc, les arbitres ont le temps d'aller voir la reprise vidéo et puis ça arrive de plus en plus souvent. Donc, c'est comme un virage là, que les officiels sont en train de prendre, comme qu'il n'y ait plus beaucoup de contact au départ. Et puis aussi, je pense que le fait qu'elle ait sorti un petit peu le coude en voulant se mettre en avant de la néerlandaise, qui l'a fait chuter, ce que les arbitres ont peut-être pas aimé. OK. Est-ce que là, c'est sûr que c'est quand même des arbitres indépendants, mais dépendant des pays, est-ce que l'arbitrage est différent dépendant des compétitions aussi? Parce que, au hockey, exemple, on ferme le sifflet en 3e période, mais c'est normalement l'arbitrage en patinage de vitesse, est-ce que c'est quand même assez stable? Bien, il y a beaucoup de travail qui est fait pour normaliser le standard de tous les arbitres. Ouais. La reprise vidéo aide beaucoup aussi à ça. Puis je sais qu'ils ont beaucoup augmenté les cliniques des arbitres pour que les calls soient constants. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est constant. Mais c'est sûr que, je veux dire, ça garantit pas que si ça aurait été un autre arbitre qui était en chef, le corps aurait peut-être été différent. Ça, on le saura jamais. Mais je pense que dans l'ensemble, d'après moi, le corps aurait peut-être été le même pour les trois qui étaient sur la glace. OK, OK. Dis-moi, Caroline, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Marianne? Tout de suite, elle doit oublier. J'ai vu une photo de elle avec Kim Boutin. Elle semblait heureuse pour Kim. On la voit sur le site d'RDS. Elle doit retourner sur la planche à dessin et recommencer pour le quoi? Là, c'est le 1500 mètres samedi. Là, encore une chance, elle a des bons espoirs de médaille. Là. Ah oui, c'est ça. Marianne, il va falloir qu'elle tourne la page vite. Je pense que le fait que Kim ait gagné sa médaille de bronze, qu'elle a vécu ce moment-là avec Kim, elle était super contente. Je pense que ça, en même temps, ça va l'aider à dire, OK, on tourne la page, ma coéquipière a gagné une médaille, maintenant, c'est à mon tour d'aller la chercher. Mm. Tu sais, on dit comme la distance de prédilection de Marianne, c'est le 500 mètres, mais faut pas oublier que Marianne Saint-Gelais est vice-championne du monde au 1500, puis championne du monde l'année d'avant au 1500 mètres. Mm. Donc, c'est une distance où ce qu'elle peut très, très bien faire, puis aller chercher une médaille. Je suis pas inquiète, je veux dire, il lui reste aussi le 1000 mètres puis le relais. Donc, je suis pas inquiète avec l'équipe qu'elle a autour d'elle, elle va tourner la page. Ça, de toute façon, ça donne rien de regarder les vidéos puis dire, bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ou qu'est-ce que j'aurais pu changer. Maintenant, elle va tourner la page puis elle va se concentrer sur le message. Surtout qu'avec ce qui s'est passé à cette chive là, quelques années, c'est la mission, Marianne. Elle veut oublier ça là, au plus sacré. Kim Boutet, médaille de bronze, c'est de quoi être fière? Pour elle, là, c'est vrai, on la voit comme la dauphine de Marianne. Voilà. Donc, c'est pour ses premiers Olympiques. Mission accomplie. C'est sûr que ça commence très bien. Mais en même temps, j'étais pas vraiment inquiète pour qu'elle puisse se rendre en finale avec la saison qu'elle a eue. Elle a un mental d'acier. Le départ qu'elle a eu en finale, partir cinquième, sortir deuxième, il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire ça sur le circuit en ce moment. C'est sûr que ça l'a brassé dans la course. Ça s'est fait un peu chahuter par la Coréenne et par Elise Christie, l'Anglaise. Mais au final, je pense que le call de choice sur Kim était le bon. Je pense que les arbitres ont bien vu qu'elle était venue nuire à Kim en la dépassant à l'extérieur. Donc, je pense que c'est un bon départ là, pour les filles qu'on ait une médaille aux 500 mètres. Ouais. Relais chez les hommes, on a évité la catastrophe? Oui puis non. En même temps, c'est tellement rendu difficile chez le relais chez les hommes de se classer pour la finale. Il y a à peu près 6 équipes qui peuvent gagner la médaille d'or. C'est vraiment... c'est sûr que la chute à la fin, le Néerlandais, il fallait qu'il soit disqualifié. Je veux dire, c'était pas... c'était vraiment pas clean comme dépassement, là, si je peux dire ça comme ça. Puis, c'est sûr qu'on a eu un petit peu chaud. La glace, comme... Je pense que c'est Samuel qui disait en entrevue qu'il y avait eu un coup sur sa lame droite, donc c'était un peu moins stable vers la fin. Mais j'ai eu chaud ce matin un peu. Comment tu vis ça? Je suis contente que. Caroline, on doit vivre ça différemment. Même si tu n'as pas été aux Olympiques, tu es un ancien athlète. Donc, tu dois vivre ça différemment que nous. Tu dois comprendre. Tu comprends des choses que nous autres, on ne comprend pas non plus. C'est sûr que je me sens que j'ai un petit point de vue différent. Mais je peux vous avouer que ce matin, j'ai versé quelques larmes, et des larmes de joie, parce que j'étais tellement contente pour Kim, mais j'étais contente aussi pour la Néerlandaise, qui a fini deuxième, qui est une très bonne amie à moi. Donc, pour moi, là, de les voir les deux sur le podium, là, c'était incroyable. Puis j'ai versé des larmes. C'est sûr que... Il y a un petit pincement au cœur de dire que tu seras jamais là, mais en même temps, ils nous font tellement vivre des belles émotions que c'est comme si on le vivait avec eux. Ouais. Caroline, merci beaucoup. On se reparle lundi prochain pour analyser la médaille de Marianne, pas la médaille, mais la course de Marianne. On en espère évidemment. C'est samedi matin pour les gens qui se posent la question, donc on espère évidemment pas mal dans les mêmes heures que la finale du 500 mètres. Donc, on espère évidemment au moins une belle prestation de Marianne Saint-Gelais. Oui, ben je suis pas inquiète qu'elle va se reprendre. Et puis aussi, on va voir l'entrée en scène de Valérie Maltais. Ouais. Aussi aux 1500 mètres. Je pense qu'elle va jouer avec sa spécialité. C'est sa spécialité, Valérie, aux 1500 mètres. Oui. Ben, si je peux aussi rajouter, juste avant qu'on entre en onde, J'ai vu dans les nouvelles qu'il y avait eu un peu la médaille de Kim un peu assombrie parce qu'il y avait eu des menaces de mort de Coréens qui étaient pas contents de la disqualification de Choi Min-jung, ouais. Parce que là-bas, c'est la première fois que ça arrive. Marianne me contait ça, là, me le compte souvent, que là-bas, en Corée, c'est le sport national, hein, si je m'abuse. Hein? Oui. Ah oh, oui, puis ils ont des énormes fans très intenses. Et, c'était déjà aussi arrivé à l'Américain Apollo Anto Ono. Ouais. Lui, il pouvait même plus aller faire des Coupes du Monde en Corée. Aïe. Okay. Oui, mais je suis pas inquiète qu'il va y avoir de la bonne sécurité autour de Kim et puis qu'ils vont régler ça assez rapidement. Ouais. Ben, Caroline, on s'en parle lundi prochain. Parfait. Voilà, Caroline Truchon qui nous parlait de patinage de vitesse sur contre-piste, disqualification de Marianne Saint-Gilles ce matin à Pyeongchang.